Oui, bonjour à tous, c'est Paul. J'étais en train de peindre une de mes figurines de Warhammer et en écoutant votre superbe émission sur Stranger Things. Et là, j'ai entendu tout au début Captain Popcorn parler banalement de Donjons et Dragons comme si tout le monde connaissait, et j'espère que beaucoup de monde connaît, car j'aimerais beaucoup que vous fassiez une émission sur le jeu de rôle, ce qui ferait un lien avec beaucoup, beaucoup de choses dont vous parlez. Juste pour vous signaler qu'à propos de Stranger Things, vous avez oublié de signaler que Sean Astin, jeune acteur des Goonies, était présent dans la série, dans un rôle assez intéressant aux côtés de Winona Ryder. Merci à vous, à bientôt. Stranger Things, ça me fait penser à Stephen King et à ça, It, si vous préférez. C'est quand même là où les enfants sont apparus. Et puis, petit rappel, les années 80, c'était quand même des années de merde, hein, par rapport aux années 70. Voilà, l'argent, les centres commerciaux, la musique de merde. Voilà, bonne journée. Par rapport à l'émission sur Die Hard et McTiernan, pour celles de ceux que ça intéresse, je pense que la dernière grande interview est trouvable dans le numéro des cahiers du cinéma daté de juin 2013. Et en couverture, on avait la galaxie J.J. Abrams. Et ouais, à l'époque où il sortait les premiers Star Trek. Voilà, bonne journée, ciao. Ah, entre parenthèses, j'aime pas du tout Jean-Jacques Goldman. J'en peux plus. C'est comme Johnny Hallyday, il y en a marre. Allez, c'est pas grave. Bisous. To be or not to be, not to be. A priori, quand t'es un espion, tu peux pas en parler. Ou alors, t'es un très mauvais espion. James Bond, c'est un très bon tueur, mais c'est pas un bon espion. Débarquer dans un cocktail comme une fleur, filer voir la personne qu'on est censé espionner et se présenter à lui sans même prendre la peine de changer son nom, professionnellement, ça se fait pas. James Bond, il est du genre à mettre sa profession sur son profil LinkedIn. Jouer un espion dans un jeu vidéo, c'est tout aussi compliqué. Parce qu'à première vue, espion et jeu vidéo, ça va pas ensemble. On joue pas à un jeu pour être discret ou se cacher sous une boîte en carton. On joue pour faire des choses spectaculaires, pas pour se fondre dans le paysage et se faire oublier. Y a la vraie vie pour ça. Dans un jeu vidéo, on recherche l'altérité, l'envie d'être ce qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours. Hein. Une barbare musclée, un magicien chétif, un robot ou un extraterrestre. Un des plaisirs du jeu vidéo, c'est de s'affranchir des limites que nous impose notre propre condition d'être humain. Pourtant, il y a des jeux où les limites sont l'intérêt même du gameplay. Ne pas tomber dans un jeu comme Céleste, ne pas mourir dans un jeu comme Dark Souls, ne pas être vu dans un jeu comme Metal Gear. Et si au fond, les contraintes n'étaient pas génératrices de liberté? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. This kind of infiltration is the Fox unit's specialty. Metal Gear est un jeu vidéo d'infiltration. Là où habituellement les jeux vidéo nous proposent souvent d'incarner des guerriers, affrontant des vagues perpétuelles d'ennemis pour arriver à ses fins, dans Metal Gear, il s'agit de pénétrer dans des forteresses ennemies sans être vu. Le but, empêcher l'activation d'une arme capable de lancer des missiles nucléaires n'importe où sur le globe, un char géant baptisé Metal Gear. Derrière cette histoire simple uniquement en surface, se cache une réflexion antimilitariste qui s'interroge sur le poids de l'armement et la diffusion de l'information dans nos sociétés contemporaines. En gros, Hideo Kojima, le créateur, parlait des fake news avant même que le nom existe. Créé par ce dernier, Kojima, un passionné de cinéma qui dit lui-même que son corps est composé à 70% de films, la saga Metal Gear s'est vendue à plus de 55 millions d'exemplaires depuis sa création. Et pour vous en parler, j'ai à mes côtés Pierre-Alexandre Rouillon, alias Pippo Mantis. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là, merci. Vous êtes journaliste jeux vidéo pour le site Gamekult et fan de la saga Metal Gear. Tout à fait, ouais. Avec nous également Nicolas Coursier. Bonjour. Bonjour, vous êtes auteur de Metal Gear Solid, une œuvre culte de Hideo Kojima parue aux éditions Third. Tout à fait. François Descrac, bonjour. Bonjour. Vous êtes fan de Metal Gear, mais aussi auteur, scénariste et réalisateur, notamment de la série Le Visiteur du Futur. Mais d'abord fan de Metal Gear. Et d'abord fan de... C'est bien de choisir ses priorités dans la vie. Et enfin, mon comparse, qui vient d'avoir une année de plus, il y a peu. Ça arrive. Et oui, Olivier Bénis, joyeux anniversaire, avec un petit peu de retard. Donc bonjour, journaliste Frédéric. À France Inter, que l'on peut retrouver tous les mardis dans l'excellente chronique La Faute aux Jeux Vidéo. Ensemble, on reviendra sur la création de Metal Gear, sur le parcours et la personnalité d'Hideo Kojima. On vous expliquera aussi clairement que l'on pourra, parce qu'on va essayer d'être pédagogique, en quoi Metal Gear est une œuvre essentielle dans l'histoire du jeu vidéo, une histoire qui pose des questions qui vont bien au-delà, justement, de ce genre. Et on terminera en parlant de Death Stranding, le prochain jeu d'Hideo Kojima, interprété par Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Norman Reedus. Allez, soyez le bienvenu dans Blockbuster sur France Inter. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy. Nicolas Coursier. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer, mais le plus simplement possible, ce qu'est Metal Gear? Metal Gear Solid, c'est un jeu d'infiltration, c'est-à-dire que pour une fois, on ne doit pas aller au contact des ennemis et les affronter, mais essayer au contraire de les esquiver pour pouvoir infiltrer une zone défendue. Et c'est surtout un jeu de Hideo Kojima, comme on l'a vu sur toutes les boîtes de jeux qui étaient vendues. Le nom du créateur, c'est rarement écrit sur la boîte d'un jeu, mais on peut pas analyser Metal Gear sans parler d'Hideo Kojima, son créateur. Et donc c'est un créateur nippon qui est infusé de cinéma et de pop culture, et qui a su toujours inclure dans son récit une dimension un peu méta, un peu différente, qui fait que la série a marqué autant de gens aujourd'hui. Alors, le concept méta, je sais que pour beaucoup d'auditeurs, ça leur parle pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, méta? Une œuvre méta, c'est une œuvre qui, à travers un sous-texte, va faire référence directement à des événements hors du jeu. On a par exemple certains personnages qui, en s'adressant à d'autres personnages, vont en fait parler directement aux joueurs, enfin avoir des phrases qui vont s'adresser directement aux joueurs. Et donc on a tout un second discours qui peut être analysé a posteriori sur un message qui peut être véhiculé différemment de ce qu'on entend au premier abord. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait il y a une réflexion sur le statut même du joueur face au jeu. C'est-à-dire qu'on sort de l'intrigue de Metal Gear, dont on va parler quand même un petit peu, pour interroger le joueur sur son ou même le personnage qui est joué sur son statut d'avatar numérique comme ça qui se déplace et qui en fait qui est manipulé inconsciemment par le joueur que nous sommes. Mais c'est une des forces de Kojima en fait, qui passe son temps à raconter une histoire super sérieuse et souvent dans un cadre très cinématographique, mais qui rappelle constamment au joueur qu'il est dans un jeu vidéo, qu'on est là pour s'amuser, pour se divertir, et donc il va avoir toujours ce petit jeu de réflexion qui vont lui dire, bah, tiens, appuie sur le bouton de ta manette alors qu'on joue un espion qui est en train de torturer. Enfin, il y a toujours des approches un peu bizarres comme ça, mais qui rappellent toujours qu'en fait on est en train de jouer à un jeu. Et c'est là la force de Kojima, à mon sens, c'est qu'il sait s'approprier le média jeu vidéo, donc l'interactivité, et c'est ce qui le distingue aussi de pas mal d'autres créateurs. Ouais. Olivier Bénis, il y a quand même un contexte historique, même si c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'on reprend certains événements historiques et ayant réellement eu lieu, et on les déforme légèrement pour en faire une intrigue originale. Mais quelle est l'histoire en filigrane, Metal Gear? On marche sur des œufs. c'est moins une histoire en fait qu'une espèce de récurrence. Enfin, il y a plusieurs personnages. Ça fait référence à la grande histoire, comme vous le disiez, c'est-à-dire que vraiment l'histoire, le scénario de Metal Gear va commencer à peu près au niveau de la guerre froide pour se poursuivre jusqu'à une espèce de futur un peu dystopique et avec différents personnages, donc des personnages qu'on va voir vieillir ou inversement, parce que les épisodes sont pas dans l'ordre chronologique évidemment, ce qui complique encore. Et c'était trop simple sinon. C'était beaucoup trop simple, voilà. Juste pour un petit rappel quand même pour qu'on se perde pas, Metal Gear c'est le nom de la série, c'est-à-dire que les premiers jeux s'appellent Metal Gear tout court, Metal Gear 2, et puis il y a Metal Gear Solid qui est le premier en 3D à arriver sur la toute première PlayStation à la fin des années 90, si je dis pas de bêtises, et voilà. Ensuite le terme Metal Gear Solid va rester. Metal Gear Solid, c'est vraiment les versions modernes du jeu. Metal Gear, la série, est une espèce d'ensemble d'histoires, de scénarios, où on va jouer un personnage qui s'appelle systématiquement Snake, qui est un nom de code. Qui est un nom de code, qui va être attribué à différents personnages dans le jeu, mais qui vont tous être liés soit par la génétique plus ou moins, c'est des héritiers plus ou moins directs, soit par des histoires de succession. En fait, c'est quelqu'un qui reprend le nom de code, et donc il va y avoir Liquid Snake, Solid Snake, All Snake, Poison Snake, Venom Snake, voilà. Tous les snakes possibles et imaginables, avec à chaque fois le pseudo fait aussi une petite référence à ce qui se passe dans le jeu et ce qui va être développé dans le scénario comme réflexion. Et alors parlons justement du personnage de Snake ou de ses différentes itérations, qui est en fait une inspiration directe du Snake de Snake Plissken de John Carpenter dans New York 1997. C'est déjà une mise à distance, c'est-à-dire qu'il y a déjà du second degré, du troisième, quatrième niveau de lecture, c'est-à-dire que le Snake lui-même fait référence à un personnage de cinéma. François Descrac, vous avez découvert Metal Gear à quelle occasion ? Et à quel âge ? Comme beaucoup de gens, j'ai surtout découvert la version PlayStation, donc moi je pensais que c'était le premier, j'ai découvert après c'est le troisième, donc c'était voilà quoi, quand j'étais ado quoi, donc c'est ça qui m'a fait rentrer dedans. Et donc ça a commencé tout jeune, et vous les avez tous faits ? Bah alors, je les ai tous faits, sauf les deux premiers qui étaient sur des consoles qui n'existent même pas en France, enfin bref, qui sont très compliqués à trouver, et oui, je les ai tous faits, même ceux sur PSP, même celui qui n'est pas reconnu par Kojima sur PSP, je l'ai fait, ouais. Pierre-Alexandre ? Oui. Votre découverte Alors moi, ça a commencé par les magazines de jeux vidéo l'été juste avant la sortie, où effectivement, tous les magazines étaient s'enflammaient sur ce jeu d'un genre nouveau où il ne faudrait pas tuer les ennemis. Alors finalement, il y avait déjà eu, quelques mois avant, un jeu d'infiltration, mais au Japon féodal, qui s'appelait Tenchu. Mais avec tout ce contexte de thriller technologique, etc., c'était tout nouveau. Et surtout, ce côté, un film dans ta console, en fait. Et ça, c'était un argument assez fort. Et donc, du coup, je bavais devant les images des magazines, jusqu'au jour où j'ai enfin pu attaquer donc le premier Metal Gear Solid à 15-16 ans. Sur PlayStation. Sur PlayStation, tout à fait. Et claque tellement énorme que j'en garde encore mon pseudonyme d'auteur aujourd'hui, quoi. Donc, fatalement, oui, ça m'a marqué. Et Nicolas Coursier, le premier Metal Gear, en fait, est le résultat de contraintes techniques. C'est-à-dire que Snake ne rentre dans des forteresses, évidemment, parce qu'il y a une filiation avec La Grande Évasion, qui est un film qui a marqué Hideo Kojima, mais aussi parce qu'il n'y avait pas la possibilité de montrer beaucoup de soldats tirer en même temps. Donc il y avait des contraintes techniques qui ont en fait presque défini ce système d'infiltration. Exactement, ouais. En fait, Konami, donc qui est la société qui a employé Kojima, lui a demandé de créer un jeu d'action militaire en fait. Et donc Kojima, en étudiant un peu la console à laquelle le jeu était destiné, s'est rendu compte qu'elle n'était pas assez puissante pour pouvoir gérer plusieurs personnages qui apparaissaient en même temps sur l'écran. Et s'est dit, bah du coup, plutôt que d'aller les confronter, ce serait plus intéressant de devoir les éviter. Et donc, ça justifiait d'avoir peu de personnages à l'écran. Et c'est vrai que ce rapport à la technologie est toujours quelque chose qui a été assez important chez Kojima. Et on se rend compte qu'il est jamais meilleur quand il est contraint par des questions techniques ou financières. Et c'est là où il fait le plus valoir sa créativité. Et ensuite, il y a cette révolution technologique que constitue l'arrivée de la PlayStation, avec l'arrivée de la 3D, c'est-à-dire la possibilité de changer les angles. Et lui, qui est fan de cinéma, il voit l'occasion de s'inspirer des films qui l'ont marqué et de montrer de placer Snake dans une sorte de mise en scène cinématographique très très très très puissante. Oui, c'est vrai qu'on peut le rapprocher un peu d'un Tarantino dans le cinéma, où c'est quelqu'un qui est extrêmement cinéphile et qui va se faire fort de toujours placer des clins d'œil aux œuvres qu'il aime. Alors ça peut parfois, pour certains, être vu comme du plagiat, mais c'est vraiment plus du petit clin d'œil en faveur du lecteur et pour un petit peu se faire plaisir. Mais cet amalgame-là, en fait, réussit à avoir une identité, en fait. C'est pas juste un jeu qui empile les clins d'œil, c'est de tout ça, en fait, comme Tarantino sort une vraie œuvre à part entière. Alors on va continuer de parler de Metal Gear, mais pour le moment, on va écouter Cynthia Harrell nous interpréter Snake Eater. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. My time. and day you feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'm blind to you. I'm still in a dream, snake eater. C'était Snake Eater, interprété par Cynthia Harrell, la bande originale de Metal Gear Solid 3, voilà, dans Blockbuster, sur France Inter. We're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. Nous sommes toujours avec le journaliste Pierre-Alexandre Rouillon, l'auteur Nicolas Coursier, le scénariste et réalisateur du Visiteur du Futur, François Descraques, et le journaliste Olivier Bénis pour parler de Metal Gear. Alors, on a entendu un extrait d'un des Metal Gear, et c'est une saga de jeux vidéo donc basée sur un jeu d'infiltration, mais qui est extrêmement dense en termes d'informations. C'est-à-dire que non seulement Metal Gear c'est un jeu qui se joue, mais c'est aussi un jeu qui peut se lire. Qui s'écoute en tout cas, parce qu'il y a énormément, il y a une grosse partie en fait de la narration dans le jeu, alors qui passe par des cinématiques, qui est le truc habituel, des vidéos. Qui est d'ailleurs la marque de fabrique d'Hideo Kojima qui fait des cinématiques. Qui en a un peu abusé à une époque et qui a été critiqué pour ça, mais en même temps c'était de bonne guerre puisqu'il y avait vraiment quelque chose à développer de très intéressant. Mais il y a surtout beaucoup qui passe par l'audio, étrangement. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo où on parle beaucoup par talkie-walkie, enfin l'équivalent du talkie-walkie dans le jeu. Le codec. Qui s'appelle le codec, qui existe en gros depuis les années 70 jusqu'en 2024-2030. Voilà. Et il y a deux choses très, très amusantes à dire sur cet extrait justement, c'est que donc c'est une très bonne représentation du codec où il y a énormément d'éléments de scénario qui se déroulent, les gens discutent, racontent du coup le contexte de la mission, le contexte de l'univers dans lequel on se trouve, qui est pas forcément identique au nôtre. Il y a quelques petites subtilités, notamment technologiques. Ça reste quand même un affrontement idéologique entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Il y a de ça, mais évidemment ça va devenir beaucoup plus complexe que ça. Oui. C'est-à-dire que ça part d'un scénario à la James Bond, vraiment très classique, comme on a pu entendre aussi avec le morceau de tout à l'heure, Snake Eater, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que ça creuse encore un peu plus et ça va derrière les apparences de ces deux blocs. Et donc sur cet extrait, il y avait un truc assez marrant, c'est que c'était donc sur Metal Gear Solid 2. Et encore une fois, c'est quelque chose où on brise le quatrième mur, on parle au joueur directement, c'est-à-dire que on le troll quelque part, on joue avec lui, on se moque de lui un peu en lui faisant croire au tout début de ce jeu qu'il va jouer Snake, qui est le héros qu'il a joué avant. Il était d'ailleurs réclamé par les joueurs, on veut jouer Snake. Et dès le début, dans le codec, quelqu'un lui dit finalement tu t'appelleras pas Snake, tu vas t'appeler Raiden. On se rend compte que c'est un personnage qui est complètement différent, qui a rien à voir avec Snake, et les gens se sont retrouvés devant ce personnage en disant ah. Voilà. Et ça allait encore plus loin après dans le second degré. Un personnage qui se fait humilier quasiment une bonne partie du jeu. Et surtout qui se fait sauver finalement à la toute fin. Bon, je pense que là on va partir sur territoire du spoiler, j'en suis navré. Mais limite. Mais en gros, voilà, c'est vrai que Metal Gear Solid 2, faut pas oublier qu'on est passé de la PlayStation 1 à la PlayStation 2. Donc il fallait racheter une console pour ce nouveau jeu qui nous faisait tous rêver parce que il y avait un extrait sur un bateau sous une pluie battante, c'était absolument magnifique. Donc on fait cette première heure de jeu où on incarne toujours Snake sur ce bateau ultra badass qui se bat contre des boss, etc. Et puis effectivement, deux heures après, on nous dit voilà, on t'enlève ton héros, on t'enlève le héros que t'as aimé les 15 heures d'avant sur le jeu précédent, et maintenant tu as ce personnage un peu fadas, blond platine, qui en fait subit tout ce qui lui arrive. Et le point d'orgue de ce hold-up, parce que moi j'aime Metal Gear Solid 2 parce que c'est un hold-up vraiment, le point d'orgue c'est qu'à la toute fin, on dit au joueur, alors en fait t'as pas remarqué mais on t'a fait refaire exactement les événements du premier jeu. Oui. Tu as vu les mêmes embûches, le même type de personnage, les mêmes soulagements, etc. On a juste changé la peinture par-dessus, mais t'as refait le même jeu. Et je trouve ça incroyable de dire à des joueurs qui ont économisé pour s'acheter une nouvelle console, un petit peu hype du moment, plus le jeu, plus machin, qui attendait ça pendant des années, d'au final leur dire, on t'a quand même bien eu. Hein. Alors là, forcément, les auditeurs qui ne connaissent pas disent, mais attendez, quel est l'intérêt de refaire un jeu comme ça à l'identique? Mais c'est parce qu'il y a une plus-value à la fois au niveau de la mise en scène, mais aussi au niveau du scénario, parce que comme les gens attendaient énormément le retour de Snake, parce que c'est un personnage extrêmement charismatique, en plus il est doublé dans la version anglaise par David Hayter, qui est aussi scénariste et qui aura travaillé sur les films X-Men un peu plus tard, et qui a une voix très très très très grave. Voilà, c'est vraiment le baroudeur, pas le héros qu'en fait des tonnes, mais le badass, L'épitomé de la virilité, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et les gens avaient envie de retrouver ce personnage là et tout d'un coup on a l'apparition donc de Jack Raiden, ce nouvel avatar, et quand on rencontre de nouveau Snake, qui est complètement autonome, qu'on ne contrôle plus, et qui a pris le nom de Plissken dans le jeu, justement toujours en filiation avec New York 1997 de John Carpenter, le personnage Snake pose la question à Raiden, lui dit mais est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être contrôlé, d'être dirigé par quelqu'un qui te fait faire des choses? Et non seulement il l'interroge dans le contexte de l'histoire, c'est-à-dire par rapport à son statut d'espion manipulé par des puissances financières, militaires, économiques, mais aussi manipulé par le joueur, et on rejoint cette idée de mise en abîme perpétuelle de Metal Gear où on réfléchit à la fois à ce qui se passe dans l'intrigue et à son statut de joueur par rapport à un avatar. Mais c'est ça qui est génial aussi justement là-dessus, c'est que c'est certes un hold-up, mais c'est pas un hold-up gratuit, c'est un hold-up pour donner au joueur autre chose que le jeu. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu en originalité du jeu, en vraiment ce qu'on attendait, on a pris ce qu'on attendait d'avoir, on nous l'a enlevé, enfin Kojima nous l'a enlevé et nous donne autre chose en échange, qui est une réflexion sur le statut de joueur, une réflexion sur les heures qu'on vient de passer devant la console, et une réflexion sur plein d'autres choses, puisque le jeu aborde plein de thèmes. Mais c'est très malin, c'est-à-dire qu'on escroque un peu le joueur, mais pour son bien. Alors je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues sur Metal Gear, saurez-vous y répondre? L'Organisation Mondiale de la Santé conseille de faire une pause toutes les heures quand on joue aux jeux vidéo. Vu qu'une heure en moyenne, c'est la durée d'une cinématique dans un jeu de Kojima, vous avez mis combien d'années pour finir le jeu? Ça dépend lequel, le 4, qui est peut-être le pire à ce niveau-là, oui. C'est cinématique d'une heure et demie. Je pense que ça met environ 2 ans pour terminer le jeu. Ça, c'est la moyenne? Mais c'est facile, oui, oui. Oui, 2 ans, mais c'est bien. Techniquement, c'est pas des jeux très longs par rapport à des jeux récents, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que c'est des jeux où on passe plus de temps à en parler qu'à y jouer, au final, je trouve. Oui. Ils se finissent en une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures maximum, je pense. Tout à fait. C'est vrai que le ratio jeu pur cinématique, enfin ouais. le ratio activité-passivité ouais. est quand même ouais. plus inégal que dans bien d'autres jeux, ouais, pour ouais. le coup. Mais c'est vrai que nous, au bout d'un moment, nous, je pense, je dis nous parce que autour de cette table, j'ose imaginer qu'on est fan, un jeu comme Metal Gear Solid 4 où soudain on nous dit prends du popcorn, va y avoir 1h30 de cinématique, ouais. nous on saute de joie en oui, fait. On est content. Parce qu'on ouais. sait qu'il ouais. va répondre pendant 1h30 ouais. à des questions qu'on se pose depuis parfois 10 ans. Ouais. Et c'est aussi ça le jeu avec Kojima et son œuvre. Question suivante, dans Metal Gear, Snake doit se cacher sous une boîte ou dans un placard pour passer inaperçu. Vu que moi, en soirée, au milieu de la pièce, personne me calcule, est-ce que ça fait de moi un meilleur espion que Snake? Pauvrier. Et tu n'amènes jamais ton carton avec toi en soirée, non? Pas besoin. Sigrid Snake. Dernière question, dans son prochain jeu, Hideo Kojima dirige Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, et surtout, Léa Seydoux. Dites, ça vous fait quoi de jouer une diplômée de l'école de la vie? Oh, est-ce que tous les Snakes ne sont pas des diplômés de l'école de la vie eux-mêmes? Dans ma tête, au niveau des badass, il y a Snake et Léa Seydoux. Ouais, à égalité. Merci d'avoir participé. Allez, je vous propose d'écouter maintenant Hervé qui nous interprète Cœur, Poids, Plume. Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me soutiens plus. Ah ouais, c'est maudit de parole. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soudures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, maman, maman, ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pou qui va plus. J'ai le cœur, quoi plus. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur, quoi plus. Le cœur, quoi plus. Le cœur, quoi plus. Le cœur. C'était Hervé qui nous interprétait Cœur Poids Plume. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. No one quite knows who or what they are. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. François Descraques. On vient d'entendre un extrait où Snake parle de la manipulation de l'information au niveau mondial pour orienter les perceptions de la population. Oui. En fait, c'est les fake news avant l'heure. Oui, ça, c'était dans le 2. C'était la première fois, en plus, qu'il remettait un peu en question le pouvoir de l'Internet en disant qu'à cause d'Internet, il n'y avait plus de hiérarchisation de l'information. Et donc... tout ce qui était avant, à savoir que comment avant l'histoire fonctionnait, à savoir que les puissances décidaient ce qui était vrai, pas vrai, ce qui était en avant, pas en avant, et ben Internet faisait obstacle à ça, et du coup, les méchants de Metal Gear Solid 2, même si c'est très compliqué à expliquer, essayaient de contrôler ça, et donc de mettre fin à Internet un peu. Et c'est un peu ce qu'on vit maintenant, malheureusement. Et il y a cette idée aussi d'aborder des thèmes dans les Metal Gear que beaucoup de jeux n'abordent pas. Mmh. C'est un jeu militaire, mais finalement anti-militariste. Oui, c'est tout paradoxe, c'est que même si le jeu consiste à éviter de tuer des gens, on en tue pas mal. Oui. Surtout vers le 4, il met en avant l'idée que les jeux vidéo entraînent les gens à tuer des gens sans s'en rendre compte qu'ils tuent des gens, en fait. C'est que c'est ça le secret de la guerre du futur, c'est d'avoir des drones, des quoi. Drones. Et qui devient un jeu vidéo de la vraie vie, mais voilà, avec une distance, et que les jeux vidéo participent à ça, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'il l'admet, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi une réflexion sur le statut du militaire, du soldat, qui est obligé de répondre à des puissances supérieures qui n'ont pas forcément son intérêt à lui au premier plan. Et il y a une réflexion, même si elle a des fois été faite un petit peu maladroitement, sur les enfants soldats. Oui. Pipo Mantis. Bah dans Metal Gear Solid 5, oui, c'est ça. Traîne beaucoup autour d'enfants soldats, on essaie d'en sauver. Je voulais juste revenir sur une petite chose, justement, sur le côté antimilitariste de Kojima, antinucléaire aussi. C'est l'un des nombreux paradoxes dans toute l'œuvre de Kojima. C'est des jeux antimilitaristes, mais il a depuis Metal Gear Solid, Moto Sadamori avec lui, qui est son consultant militaire. Il y a toujours eu des licences d'armes officielles. Il y a une fétichisation des armes. Alors parfois on s'en moque. Le designer des tanks. Oui, Yoji Shinkawa, oui, qui est aussi le chara-designer, donc qui fait les personnages et tout ce qui est mécanique, notamment. Dans chaque épisode, le Metal Gear, qui est ce fameux tank nucléaire qu'on va retrouver à chaque fois sous diverses formes. Donc on est vraiment toujours sur une frontière très étrange entre la guerre c'est mal et quand même les flingues c'est joli, quand c'est bien lustré, quand on peut le démonter et que c'est classe et que machin. C'est très étrange ça. Mais justement, est-ce que c'est pas un paradoxe typiquement japonais, c'est-à-dire cette fascination aussi pour les mechas, ces robots géants type Gundam, toujours plus grands, plus élaborés, avec les rouages qu'on voit comme ça, et en même temps un pays qui a été démilitarisé pendant longtemps, qui s'est pris deux bombes nucléaires sur la tête. Est-ce que Kojima n'est pas l'incarnation même du paradoxe japonais? Juste après Godzilla, oui, quoi. Si, parce qu'il y a justement, le Japon est un pays traumatisé par la guerre, et notamment traumatisé par la guerre nucléaire en particulier, et Kojima résume, enfin, est une incarnation de ça, parce que, comme disait Pipo, il y a cette espèce de fascination pour les armes dans tous les jeux, c'est-à-dire que si vous voulez, enfin c'est quasi une encyclopédie des armes mondiales, mais ça va du pistolet, enfin même du couteau, à l'arme nucléaire la plus développée, et c'est extrêmement bien documenté, c'est-à-dire que tout ou presque est vrai ou en tout cas réaliste dedans. Et en même temps, il y a un message en sous-texte profondément pacifiste, en fait, notamment dans le 5, où un des grands enjeux, sans spoiler ni rien, est d'arriver à une dénucléarisation totale de tous les jeux, de tous les jeux possédés par des joueurs dans le monde. C'est-à-dire que les joueurs doivent dénucléariser eux-mêmes leurs jeux. Et même pour revenir juste un peu en avant, dans Metal Gear Solid 3 déjà, en fait, Kojima moque la fascination de son héros, c'est-à-dire que bon, bah, il traîne avec une espionne qui s'appelle Eva, qui est vraiment la femme fatale, qui essaie de l'amener dans son lit pour avoir des informations, etc. Et lui, à un moment, donc elle le drague à 2000%, pendant que lui, il fantasme sur le flingue qu'il a dans la main, en disant « Ouah, mais le rail, il est comme ça, il est complètement graissé et tout, etc. » Et même là, soudain, on réalise que ce perso ultra viril, ben, c'est juste un dingue d'armes un peu bizarre, quoi. Mais moi, ce qui est tout fascinant, c'est qu'il utilise tous les codes des films américains, toute l'imagerie des films américains, mais avec un point de vue anti-américain. Et ça, c'est un truc que les films américains ne pourront pratiquement jamais faire, vraiment, quoi. C'est d'arriver à un point où le président des États-Unis est un des méchants de la saga. Alors bon, dans la vraie vie, on verra à quel point ça se confirme ou pas. Mais c'est vraiment, enfin, il va hyper loin dans son sujet. Et justement, à propos de ces polémiques politiques, les jeux créent souvent des polémiques. GTA, on en passe, Mortal Kombat. Mais Metal Gear a désormais un détracteur de poids. Son nom, Vladimir Poutine. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pas de lui. En effet, en juin dernier, le vice-ministre de la Défense russe, Andrei Kartapolov, a déclaré à la chambre basse du Parlement « Les projets Internet des services secrets américains, tels que Metal Gear et Runet Echo, visent la manipulation directe de la conscience publique, surtout auprès des jeunes. » Il explique que l'image de la Fédération de Russie, prônée par le jeu, a pour but de discréditer directement la Russie en la représentant comme un pays autoritaire, avec une population sauvage ignorante et un pouvoir qui ne respecte pas les normes du droit international. Le vice-ministre a exprimé que les États-Unis emploient des artistes, des personnalités et des politiciens russes non conventionnels et ouvertement hostiles pour miner la crédibilité de l'État civilisé, de l'idéologie culturelle et religieuse de la Russie. J'aime pas, j'aime pas. Alors, j'ai souvent eu des séquences « j'aime pas » avec des trolls, mais alors, un tel niveau gouvernemental, troll c'est de luxe. Pas rien. Troll de luxe. Mais surtout qu'il considère que c'est un jeu américain. Déjà, on part sur un truc un peu compliqué. Et surtout, effectivement, les Américains en prennent bien plus pour leur grade que les Russes au long de la série, quoi. Et là, il a tout simplement pas joué au jeu, parce que tout le but de Metal Gear, c'est d'être anti-manichéen. Faut savoir, on l'a pas dit, mais on a plusieurs incarnations du héros. Et au bout du troisième épisode, on nous fait jouer celui qui était considéré comme le méchant. Comme le méchant. Donc il y a tout ce côté-là. À chaque fois, rien n'est blanc ou noir, tout est toujours gris. Surtout, il n'a pas vu de James Bond avant, hein, très clairement, parce que dans le domaine de la propagande, c'était bien aussi. Mais en même temps, ça révèle quand même quelque chose, c'est que dans ce souci de réalisme, dans ce souci de vraiment se poser des questions sur l'évolution même de la guerre moderne, avec les drones, avec l'utilisation des machines, avec l'utilisation des implants, parfaire le soldat pour qu'il ne ressente plus d'émotions, pour qu'il soit plus efficace dans ce qu'on lui demande de faire, je pense que il y a quelque chose qui touche le réel, et c'est précisément ça qui gêne, qui a gêné ce vice-ministre de la Défense, c'est qu'en fait, Kojima a sûrement vu juste dans la manière qu'il a de dépeindre la guerre du futur. Mais il a toujours été très clairvoyant, on en parlait tout à l'heure sur l'importance d'Internet, etc. Et c'est vrai que quand on joue au jeu, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il y a toujours ce mélange entre divertissement et choses réelles, un peu à la Da Vinci Code ou Assassin's Creed, et du coup on ne sait jamais ce qu'on doit prendre à la blague, est-ce qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Et on se rend compte que 10-15 ans après, souvent, il avait vu juste sur pas mal de points. Ouais. Et alors, Nicolas Coursier, justement, quel jeu vous conseilleriez à des gens qui seraient intéressés par cette émission, qui diraient, tiens, j'ai entendu de nom, mais j'aimerais bien découvrir. Quel est le premier jeu d'entrée accessible en ce moment pour l'univers Metal Gear? Alors, concernant Metal Gear, je pense le plus simple à prendre en main, à jouer, tout simplement, c'est le dernier, donc Metal Gear 5. Metal Gear a toujours eu un peu des difficultés au niveau de la maniabilité, ce qu'on appelle, donc la façon d'interagir avec le jeu. Ça a toujours été un petit peu compliqué, un petit peu alambiqué. Et justement, le cinquième épisode avait fait fort de simplifier le tout et d'être beaucoup plus agréable à jouer. Après, c'est vrai que ceux qui vont jouer à ce jeu-là vont un peu prendre le train en marche, dans le sens où on arrive en plein milieu de la saga. Et donc, il y a beaucoup de références auxquelles ils vont échapper. Mais c'est pas forcément celui qui est le plus compliqué à appréhender, donc je miserais plutôt là-dessus. Ouais. Surtout que le dernier, effectivement, cache la majeure partie de son scénario derrière des cassettes à écouter, ouais. Et qu'on peut tout à fait en profiter comme un jeu lambda, sans trop suivre de scénario. C'est d'ailleurs un des jeux les plus rapia en cinématique, etc. Parce que l'idée, c'était peut-être aussi de toucher un plus grand nombre et d'avoir finalement un jeu en monde ouvert d'action bien plus classique qu'on pourrait l'imaginer par rapport aux anciens. Mais oui, peut-être un des plus accessibles, même si moi, fatalement, j'ai un amour pour le 3 Subsistance, qui en plus est au tout début de l'histoire, donc on pourrait commencer aussi par le... Puis sachant aussi que pour que les auditeurs qui seraient intéressés par le jeu n'aient pas peur, on parle beaucoup de scénarios très compliqués, de complots, de choses comme ça. Sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'essayer de comprendre le scénario pour aimer ce jeu. Le jeu est très agréable en soi. Vous pouvez même passer, enfin moi, certains épisodes, c'est un peu ce que j'ai fait quand il y avait des explications sur vraiment, souvenez-vous du complot dans l'épisode précédent et de celui dans deux épisodes après, etc. Parce que c'est une référence à ça. C'est pas grave. Vous pouvez passer à côté, vous ne ratez rien. Mais d'ailleurs, Olivier, je rebondis sur ce que vous dites. Je dirais que c'est le credo de Blockbuster, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller au fond des médias, enfin des films, des jeux vidéo qui traitent de la culture populaire, mais avant toute chose, c'est pas forcément très compliqué, c'est surtout un plaisir de fan. Non, ça reste du divertissement. Ouais, c'est du divertissement. On s'amuse, et dans un deuxième temps, quand on y réfléchit, et ben ça dit des trucs plus intelligents que ce qu'on imagine. Et même dans le jeu pur, Metal Gear, c'est un des jeux qui favorise le plus l'expérimentation, en fait, où le joueur va être amené à pouvoir tester plein de choses, à attirer sur tel élément du décor, à tenter une approche un peu particulière, et on se rend compte que le jeu répond toujours à ce que tente le joueur, parce que les développeurs ont anticipé un peu tout ce qu'allait faire le joueur, et rien que ce côté purement jouable, donc on peut zapper le scénario et tout, ça reste super ludique, et il y a à creuser pour des heures et des heures rien que là-dessus. En fait, on considère souvent que Kojima c'est un réalisateur frustré, et il est certainement, mais contrairement à beaucoup de vrais réalisateurs frustrés qui travaillent dans le jeu vidéo, qui font des jeux vidéo qui sont surtout des cinématiques interactives, on avait dit qu'on parlait pas de Monsieur Cage. Ah, mais j'allais même pas le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, vraiment, il met autant d'énergie dans ses scénarios, dans ses références cinématographiques, que dans le gameplay. Et du coup, il y a une vraie recherche de gameplay. Et donc, ce sont, comme on dit, des vrais jeux avec des scénarios de ouf. Mais à la base, ce sont des vrais jeux. Quoi. Et alors, d'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Je vais travailler sur le gameplay. On loue souvent l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Il faut que les ennemis soient aussi intelligents que des humains, etc. Kojima était un des premiers, peut-être, à comprendre l'importance de la bêtise artificielle. Il faut que l'intelligence des adversaires soit limitée. Parce que le plaisir de Metal Gear Solid, c'est de coller un pain de C4 dans le dos d'un ennemi, de se barrer pendant que l'ennemi fait qu'est-ce qui se passe, et finalement de le faire sauter. Avec un point d'exclamation au-dessus de la tête. Exactement. Et en fait, il faut que les ennemis soient un peu plus bêtes qu'ils ne le devraient pour que le joueur s'amuse. Et il a toujours réussi à trouver l'équilibre parfait entre difficulté et justement bac à sable avec lequel s'amuser. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine, or has changed. La guerre a changé. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est le mélange de, effectivement, de réalisme, de technique chez Kojima, et un côté kitsch et un peu ringard dans certains jeux qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a un humour qui gamin, n'appartient qu'à lui. Ah, il y a du caca-proute un peu gênant dans un truc qui se veut un petit peu au-dessus de la masse, quoi. Oui. Même son rapport au personnage féminin, on a dans le monde du jeu vidéo avance lentement, mais quand même dans une envie d'être un peu plus représentative de la diversité mondiale. Et donc la représentation des femmes dans Metal Gear, à l'exception peut-être de Boss, qui est le mentor de Snake, c'est quand même un peu de la contemplation gratuite masculine. Ah, je suis pas forcément. Il y a de la pin-up, hein. Il y a de la pin-up, mais il y a de la pin-up forte, il y a de la pin-up badass. Justement, on parlait de Eva tout à l'heure, Meryl. Il y a que finalement Quiet, qui est donc un des personnages féminins du dernier, qui effectivement est vraiment problématique et un peu gênant. Mais enfin, très sincèrement, oui, c'est clair. Oui. Et même il y a Fragile dans Death Stranding, on en parlera peut-être plus tard. Mais j'explique aux auditeurs, Quiet, silence en français, est une sniper. Voilà qui arrive à se camoufler complètement, mais qui a donc besoin de ne pas avoir de vêtements pour pouvoir se camoufler dans donc évidemment ça donne l'objet à des séquences cinématiques où on sent que les concepteurs du jeu se sont fait plaisir. Il y a une gêne palpable à chaque instant où elle est là, effectivement. Mais il est capable de vraies fulgurances, de vrais beaux personnages bien écrits. Donc voilà, je trouverais dommage qu'on le cantonne juste au personnage un peu gênant. Non, mais les gens sont complexes, on peut aussi tout à fait bien sûr. Mais voilà, il y a aussi Eva, qu'on va revoir dans Metal Gear Solid 4, plus âgé, qui est super intéressant comme personnage. Voilà, il peut aussi créer de bons personnages féminins forts. Mais de la même manière, je sais que j'ai souvent des garçons autour de moi, autour de cette table. Ça n'est pas une volonté de ma part de rester avec juste des garçons et des mâles. Hein. On essaie de contacter beaucoup plus de joueuses, beaucoup plus d'invités. Mais on est malheureusement, des fois, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui habitent dans d'autres coins de la France et on est sur le service public. On ne paye pas les billets de train. Donc il y a tout ça qui fait que quelquefois, c'est compliqué d'avoir une vraie parité, et je sais qu'elle existe dans la France, un peu partout, sur les réseaux sociaux, mais pour avoir des invités chaque matin à 11h, de 11h à midi, c'est plus compliqué, donc je m'en excuse, on essaiera toujours de faire mieux, mais c'est compliqué. Voilà, c'était une petite parenthèse pour la non-parité respectée, non respectée autour de cette table. Olivier Bénis, j'aimerais qu'on parle maintenant du prochain grand jeu de Kojima, Death Stranding, qui est un jeu qui, comme tous les projets de Kojima, intrigue beaucoup, hein, depuis des mois, voire quelques années maintenant, oui. Il me semble, ça commence à remonter. Il montre des bribes, en fait. C'est-à-dire que, alors, faut savoir qu'il y a un contexte personnel un peu triste à l'histoire de Death Stranding. C'est-à-dire que Hideo Kojima, qui a été pendant très longtemps un des fers de lance d'une entreprise japonaise, d'une grosse boîte japonaise qui s'appelle Konami, boîte de jeux très très connue, ça s'est très très mal fini, en fait, avec Konami. C'est-à-dire que Konami l'a évincé petit à petit de son dernier projet, le dernier épisode de Metal Gear, avant vraiment de l'en virer comme un malpropre, hein, très clairement. Il a continué à bosser un petit peu comme consultant dessus, histoire que ça reste un peu son bébé quand même. Mais enfin, Konami a fait des trucs un peu sales derrière, et en effaçant son nom, des promotions, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on a une raison pour ça? Parce que c'est quand même lui qui fait partie des gens qui ont créé, enfin qui ont fait Konami, Police Note. Enfin, il y a toute une tradition des jeux qu'il a créé. Justement, peut-être, je pense qu'il a pris une importance aussi assez capitale. Il était rentré dans le conseil d'administration, il était devenu vice-président. Il commençait même à superviser des jeux d'autres licences de Konami. Alors, on sait qu'on saura jamais exactement ce qui s'est passé. Il y a des contrats certainement qui empêcheront les langues de se délier. Mais il y a peut-être un peu de ça aussi, de l'importance qu'il avait pris au sein de l'éditeur et qui a pas forcément plu en haut lieu. Après, à la décharge de Konami, Kojima a quand même la réputation d'être quelqu'un de pas forcément facile à vivre au quotidien, notamment quand il bosse sur des projets très personnels comme Metal Gear. Il a vraiment, c'est un auteur, hein, très clairement, mais avec tout ce que ça implique aussi d'inconvénients. C'est-à-dire qu'un auteur, parfois c'est compliqué à gérer, il a ses idées, il veut faire les choses de telle façon, et une entreprise, ça suit pas toujours. Et surtout, on peut imaginer qu'il ait pris un melon monstre, tout bêtement, hein, parce que, c'est vrai que ça marche très très bien pour lui et qu'il a des demandes parfois un peu fantasques. Je pense qu'on a un peu le même en Occident, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec Peter Molineux, qui est un mec qui, si on le laisse faire, ne finit pas ses jeux. Au bout d'un moment, il faut que les gens lui disent stop, on doit sortir le jeu, là ça fait 10 ans que tu bosses sur ton concept, c'est plus possible. Oui. Et alors justement, ce jeu avec Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Norman Reedus, on va vers quoi? Parce que plus je regarde des bandes annonces de ce jeu, plus je suis totalement perdu. Mais c'est le but. C'est-à-dire que je pense que Kojima, ayant construit justement une partie de sa réputation sur des scénarios très compliqués, des choses qui partent dans tous les sens, qui dansent des réflexions un peu sur tout, il a envie qu'on comprenne rien, très clairement. C'est-à-dire que tout ce qu'il montre jusqu'ici, enfin, plus on voit d'images du jeu, plus on voit des présentations, des choses comme ça, moins on comprend de quoi ça parle. C'est-à-dire que il y a Norman Reedus qui se balade avec Norman Reedus qui joue dans The Walking Dead. Qui joue dans Walking Dead. J'ai oublié le nom de son personnage. Ah, pourtant, Daryl à l'arbalète. Voilà, donc c'est lui qui joue le personnage principal. Mais il y a des gens qui se baladent avec des fœtus dans des sacs à dos, quand même, vivants, qui discutent avec. Enfin, c'est très, très, très, très bizarre. Ça a l'air très ésotérique. Pour recréer du lien dans les États-Unis post-apocalyptique. Voilà, et il y a Guillermo del Toro à un moment. Oui. Voilà. Et il y a Guillermo del Toro. Voilà, c'est. Vous savez que Guillermo del Toro n'est pas là parce que Kojima est fan de del Toro, mais parce que del Toro est fan de Kojima. Absolument. Ils ont bossé ensemble sur un projet qui a fini par être annulé, qui était un remake de la série Silent Hill. Excellente série aussi. Mais voilà, et Del Toro est intarissable quand on lui parle de Kojima. Il considère que c'est un des plus grands génies créatifs, tous médias confondus actuellement. Et donc, il a tenu à tout prix à être dans le jeu. Et si le jeu intrigue tant, c'est surtout parce qu'il dévoile un univers qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et c'est vrai que dans les gros jeux à gros budget, justement, on a tendance à toujours retrouver un petit peu les mêmes univers, les mêmes codes, les mêmes éléments esthétiques. Et là, pour le coup, on a un univers qu'on ne connaît pas, avec des éléments mystérieux qu'on n'a jamais vus. Et c'est ça qui est intéressant. Qui n'est pas le trait d'une licence existante, en plus. Alors, comme l'a fait Horizon il y a quelques années. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, on écoute The Raconteurs avec Help Me Stranger. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Clément Berman. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. Strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection and it wants to break my heart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. C'était Help Me Strangers par les Raconteurs et maintenant on va jouer. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Julien au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour à vos invités. Vous allez bien ? Très très bien, et vous ? Mais très très bien, mieux quand je vous entends. Alors vous êtes fan de Metal Gear ? Absolument. Vous avez découvert la saga comment ? J'ai découvert la saga sur NES, puisqu'il y a eu un portage sur la première console Nintendo du tout premier Metal Gear. Et je l'ai redécouvert avec plaisir sur PlayStation, quand j'étais sur la fin de mon adolescence, on va dire. Et vous avez fait tous les épisodes ? Tous les épisodes, sans exception. Parfait. Vous êtes exactement l'homme que nous recherchions. Un homme de culture. Voilà. On va vous poser 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donnera le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est ça clair ? Marche. Ok. C'est très clair. C'est parti. Dans Metal Gear 4, on assiste à la mort de réponse A, Liquid Snake, réponse B, Solid Snake, ou réponse C, Naked Snake. Liquid, solide ou naked ? Naked. Eh bien, c'est une bonne réponse ! Je me permets de dire que aussi Naked Snake décède à la fin du 4. Oui, c'est lui. C'est ça. Et Liquid. D'une certaine manière. Mais là c'était direct, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment mourir. Juste une main. D'accord. c'est pas que la main qui meurt. Là on a perdu tous les gens qu'on passe. En fait, à la fin du 4, on est plus sur Liquid as Slot. Voilà, on explique rapidement aux éditeurs. En fait, là on va peut-être vous perdre, mais si vous voulez, Naked Snake, qui est le premier Snake, a été cloné et a eu 3 enfants qu'on a baptisé les Enfants Terribles parce que Hideo Kojima était fan de Jean Cocteau et leur noms sont Liquid Snake, Solid Snake et Solidus. Voilà, donc pour les fans, ils disent « Oui, il a raison !» Puis les autres disent « Je comprends rien !» Question suivante. Comment se fait appeler Solid Snake dans Metal Gear Solid 2 ? Iroquois Pliskin. Oh là là là là ! Mais j'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. C'est effectivement Pliskin. On l'a dit en hommage à Snake Plissken, joué par Kurt Russell dans New York 1997 et Los Angeles 2013 de John Carpenter. Dernière. On va vous faire écouter un extrait. Il faut deviner à qui s'adresse Snake. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Qui est le personnage à qui s'adresse Snake ? Il lui doit beaucoup. Est-ce que ça pourrait être Meryl ? Je suis pas complètement. Non. Est-ce que vous voulez faire appel à un Joker ? Volontiers. Nicolas Coursier pourrait m'aider ? Oui. Je ne suis pas sûr. Alors, c'est assez. Ouais, c'est. J'ai du mal à reconnaître la voix. Ouais, moi aussi. Hein, c'est, elle lui doit beaucoup, enfin il lui doit beaucoup. Ça doit être The Boss alors peut-être. Oui, c'est une bonne réponse de Nicolas Coursier. On a failli avoir un drame. Hein. Vous avez gagné le livre justement de Nicolas Coursier, Metal Gear Solid, une œuvre culte de Hideo Kojima, coécrit avec Mehdi El Kanafi et Denis Brousseau, qui est paru aux éditions Ferd. Super, merci beaucoup. Merci à vous Julien. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Eh bien, je tiens à remercier tous mes invités d'avoir été avec moi pour cette émission sur Metal Gear. C'est toujours un plaisir de se dire, à 11h, on a pu parler de Metal Gear sur France Inter, ça fait plaisir. Merci au journaliste Pierre-Alexandre Rouillon, merci à l'auteur Nicolas Coursier, le scénariste et réalisateur du Visiteur du Futur François Descraques et le journaliste Olivier Bénis, à qui je réitère mes joyeux anniversaires. Je vous remercie. Voilà. Comme toujours, je le rappelle aux éditeurs, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Metal Gear, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag Blockbuster. Et fi, on se retrouve demain pour parler du détective britannique le plus connu au monde, Sherlock Holmes. Non, please, no. Et après le journal, on retrouve Dorothée Barba. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Alors vous avez parlé de quoi? Dans le débat de midi aujourd'hui, il y aura du sang. On va parler de faits divers. Vous êtes plutôt Xavier Dupont de Ligonnès ou petit Grégory, Frédéric? Bah, je suis de l'Est de la France, donc forcément ça a une résonance toute particulière. Cette fascination contemporaine pour le fait divers en dit long sur notre époque. C'est une émission qui va plaire à ma mère. Ah bah tant mieux qu'elle nous appelle. On se demande si c'est un plaisir coupable et si oui, pourquoi? Écrivez-nous sur franceinter.fr à la page du débat de midi.